Moi ? Vas-y, on t'écoute. Je m'appelle Sarah. Quand je serai grande, je voudrais devenir médecin. Bon choix. Ensuite ? Je m'appelle Elton. Quand je serai grand, je vais devenir plombier. Très bien. Tiens, et toi ? Je m'appelle Henri. Quand je serai grand, je voudrais être rappeur ou dealer ou braqueur ou tout niquer dans Paname. Hey, oui, tu vas jouer les gangsters, oui. Tu vas manger la poussière, oui, oui. Autant que la camelle, oui. Et tu vas pleurer ta mère, oui, oui. Tu veux jouer les gangsters, oui. Tu vas manger la poussière, oui, oui. Autant que la camelle, oui. Tu vas pleurer ta J'aurais mère. Tout fait pour être comme lui, je rêve d'être en place, tu l'as compris. J'économise pour prendre du H et inonder le réseau de sans ombrer. Les quelques projetos qu'on a tapés m'ont permis de comprendre que j'étais pas trop petit à force. Si ça continue de pailler épais, je crois que je vais me faire le grand prix. Tu vois, on a organisé, les schmitts essaient de nous baiser. Mais bon, gros, sache que quand tu mords à l'hameçon, il est dur d'en tirer des leçons. À la maison, rien ne valse, Frollo et papa ne savent pas que quand je cuisine, je suis pas au fourneau. Mais qu'est-ce que tu me parles de boulot? Les grandes lactesses ne me prennent pas pour un gosse imberbe. Ce qu'ils veulent, c'est mon billet. Que je leur prenne 2-3 litres de zèbre. J'sais bien que j'suis pas leur poteau et que les poulets nous prennent en photo. Mais bon, faut bien j'aimant. J'vais être un géant chez les brigands. Ah, ça me bouffe la tête voir comment ils prennent des sous. Alors que la daronne se casse le dos chaque jour pour faire quelques secours. Dans deux pays, j'suis majeur, mais bon, y'a pas de choix. Faut vite prendre son bifton et investir sur le rifiston. En plus, il caille sa mère, le T-Max est bloqué. Faut que j'pense à me bloquer car l'année prochaine, j'passe à la CC. Là, j'suis trop stressé car au bout du fil, on sait jamais qui c'est. Allô, soir, comment t'as eu mon numéro? Des anneaux qui recherchent un palo, ok. RTV à l'aube, si tu me crampes, tu restes en dallo. Fumier, ramène pas les decks, sinon tu vas te faire fumer. On est trop déterminé. Je me suis pointé, malheureusement pour moi c'est blague, schmitt, plaquette de shit à l'appui, je me suis fait soulever. Hey, oui, tu vas jouer les gangsters, oui. Tu vas manger la poussière, oui, oui. Autant que la camelle, oui. Et tu vas pleurer ta mère, oui, oui. Tu veux jouer les gangsters, oui. Tu vas manger la poussière, oui, oui. Autant que la camelle, oui. Tu vas pleurer ta mère. Une tête au modèle, une figure de respect. Frais de la paire de basket à l'alias de billets. Une légende au quartier, adoré des petits frères. Ce type est un ancien et ses couilles ne datent pas d'hier. Le regard revolver, trop de potes au cimetière. Il fait toujours ses prières et c'est toujours un viscère. Hey, le bruit court qui porte toujours un gilet. Rien à foutre, ce que tu vois c'est qu'il est pété d'oseille. Lui, il t'a la bonne et c'est du bien qu'il te souhaite. C'est lui que tu veux être, donc tu te fous de ses conseils. Tes yeux brillent comme une étoile quand il passe en roue arrière. Toi sur un vélo, pensif à penser que t'es de la merde. C'est lui qui est dans le vrai, toi tu trimes et t'as les nerfs. T'as écourté ton parcours scolaire pour un casier judiciaire. La prison a dû le marquer beaucoup plus qu'il en a l'air. Car à ce jour, il ne fait que passer entre les mailles du filet. Les jaloux qui se renseignent sur sa surface financière. Tu crois qu'il l'aime, car en fait il jacte grave sur ce qu'il fait. T'es naïf un petit peu, parce que t'es qu'un petit peu au petit creux qui veut manger. Et les psy disent qu'il faut te ménager. Tu cries devant ton grand, ça l'énerve, ça te dérange. De voir accidenter tes scooters pour des un soir il t'aperçoit, te fait un geste de la main. Hélas, de l'autre côté de la rue, en 43 c'était la fin. Hey, oui, tu vas jouer les gangsters, oui. Tu vas manger la poussière, oui, oui. Autant que la camelle, oui. Et tu vas pleurer ta mère, oui, oui. Tu veux jouer les gangsters, oui. Tu vas manger la poussière, oui. Autant que la camelle, et tu vas pleurer ta mère, oui, oui. Tu vas jouer les gangsters, oui. Tu vas manger la poussière, oui, oui. Autant que la camelle, oui. Et tu vas pleurer ta mère, oui, oui. Tu veux jouer les gangsters, oui. Tu vas manger la poussière, oui, oui. Autant que la camelle, oui.